Vous avez le droit de vous offrir un bon bol d'air frais parce que vous avez le droit d'agir avec nous. Parce qu'avec la Banque Postale, vous avez le droit de choisir un prêt personnel à impact plus responsable. C'est ça, être banque et citoyenne. La Banque Postale. En savoir plus sur nos actions, sur le site, sur la route de vos projets.fr. Offre réservée aux particuliers après acceptation de votre dossier par le prêteur, la Banque Postale Consumer Finance. Vous disposez d'un délai de rétractation de 14 jours calendaires, voire conditions en bureau de poste ou sur labanquepostale.fr. La Banque Postale, intermédiaire de crédit du prêteur. Précédemment, dans le Phédon, Socrate, condamné à mort, s'apprête à boire la ciguë. Face à la tristesse de ses amis, le philosophe leur soutient une thèse déconcertante. Celui qui s'est exercé à la pensée durant toute sa vie n'est pas inquiet, mais plein de confiance au moment de mourir. Et tout simplement, car philosopher, c'est apprendre à mourir. Autrement dit, apprendre à délier son âme, immortelle et immatérielle, de son corps. Toutefois, l'heure est venue, et après la discussion, il est temps de boire le poison. Comment Socrate va-t-il réagir et quelle parole ultime va-t-il nous délivrer au moment fatidique ? Socrate, je n'aurai pas à te reprocher ce que je reproche aux autres. Ils se mettent en colère contre moi et me chargent d'imprécations quand je les invite à boire le poison sur l'ordre des magistrats. Toi, au contraire, j'ai eu en d'autres occasions tout le temps de comprendre que tu es l'homme le plus généreux, le plus doux et le meilleur de tous ceux qui sont jamais arrivés en ce lieu. Maintenant, adieu. Tâche de supporter de ton mieux ce qui est fatal. This is the end, you gentle friend. This is the end, my only friend, the end. It hurts to set you free, but you'll never follow me. The end of laughter and soft lies. The end of night. This is the end. Et bonjour Nicolas Saxe. Bonjour. Vous êtes chargé de recherche en philosophie ancienne à l'Université libre de Bruxelles. Alors, on est parvenu au moment critique du Phédon, hein. Je crois qu'on l'a quand même bien compris là. Donc, l'épilogue. Après avoir disserté sur la mort, le moment est venu pour Socrate de mourir. C'est la fin. Eh bien, paradoxalement, à la lecture de ce moment dans le Phédon, donc ce sont vraiment les dernières pages, on a l'impression que ce moment, c'est presque rien. Ça passe en un éclair, qu'on a disserté sur la mort pendant des pages. Et puis, qu'une fois que la mort est arrivée, il ne se passe rien. Je dirais que c'est un peu la finalité de tout le dialogue. Donc, il y a eu 5 preuves sur l'immortalité de l'âme, et donc la mort, enfin, et aussi un grand mythe dont on n'a pas parlé, mais la mort de Socrate arrive comme le point final et le point d'orgue de cette progression argumentative. Et donc, à la fois, il y a beaucoup à dire et puis peut-être pas non plus grand-chose. J'espère qu'il va y avoir beaucoup à dire parce que c'est quand même ce dont on va parler pendant toute l'heure. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur le mythe qui précède effectivement ce moment de la mort dont on n'a pas parlé cette semaine, qui est quand même un long développement et qui nous amène finalement au moment fatidique où Socrate va boire le poison, où là on n'est plus du tout dans la dissertation philosophique, mais on est vraiment dans l'action. Parce que ça, c'est aussi une des grandes caractéristiques de ces dernières pages, c'est la mort de Socrate. C'est un moment très narratif et pas du tout philosophique. Et puis, ça vient juste après un mythe qui, pour le coup, n'est pas non plus une dissertation philosophique. Alors non, c'est vrai que le mythe, il y a un changement de ton radical. Après les 5 arguments, disons, logiques et philosophiques, et non, très très serré. Et puis Socrate explique que à côté de cette dimension donc, philosophique ou argumentative, il y a besoin d'un mythe qui explique la destinée de l'âme après la mort. Et donc, il propose un mythe extrêmement complexe, extrêmement beau aussi, qui est moins retenu que le mythe de la caverne dont on parle le plus souvent, mais qui, en effet, explique un petit peu la structure du monde et l'endroit où les âmes vont aller après leur mort. Et donc, il y a, d'après ce mythe, on serait dans un creux, en fait, on habiterait dans un creux. Donc, un creux qui est la Terre ? C'est-à-dire que la Terre, en fait, serait beaucoup plus grande que la Terre qu'on connaît, et nous serons uniquement dans un creux, parmi d'autres creux qui existeraient. Les philosophes, après la mort, rejoindraient, en fait, le ciel qui pour eux, est la Terre, en réalité. Et ceux qui se seraient moins bien comportés, eh bien, iraient en dessous de la Terre. En dessous du creux, dans le centre de la Terre. Et là, il y a différents destins qui les attendraient en fonction de leur comportement. Ceux qui sont les plus incurables se baigneraient dans des fleuves de glace et de feu. Ceux qui sont comportés, disons, de manière modérée, et qui ont fait des péchés, mais aussi qui sont bien comportés, attendraient dans un lac. Il y a tout un système d'irrigation au centre de la Terre qui se... Oui, c'est vrai, c'est assez fascinant comme mythe. C'est à la fois un peu long. Oui, c'est vrai. C'est un petit peu long et on comprend aussi que ça est moins marqué que l'allégorie de la caverne. Parce qu'il y a quand même quelque chose qui est beaucoup plus précis, mais c'est beaucoup plus imagé aussi, en fait. Et c'est presque un conte. Oui, oui. C'est disons qu'il y a peut-être plus que dans le mythe de la caverne. Enfin, en tout cas, il y a toute une eschatologie. Donc, eschatologie, ça veut dire le destin après la mort. Et donc, il y a toute l'explication des différents destins qui peuvent venir aux âmes. Et donc, en effet, il est peut-être plus imagé, plus complexe que le mythe de la caverne. Mais moi, je dirais peut-être même plus beau. Les descriptions de la terre, la vraie terre, comme il l'appelle, avec des couleurs dorées, de l'éther qui serait le ciel, et là, le contact directement avec les astres est vraiment magnifique. Et donc, c'est vrai qu'on dirait presque un texte de science-fiction parfois. C'est vrai. C'est presque un des premiers textes de science-fiction. Alors, il faut lire ce mythe. Donc, on l'a dit, le Phédon, c'est vraiment une dissertation philosophique sur la mort. Il y a des arguments pour prouver l'immortalité de l'âme. Après, on a ce mythe. Et puis, enfin, on a l'action. C'est vraiment le moment narratif de la mort de Socrate. Et vous nous dites, Nicolas Zaks, que c'est vraiment le moment qui va conclure une argumentation. Comment, en fait, un moment narratif comme celui-ci, d'action, de drame, peut conclure une démonstration philosophique? Ben, on va y revenir quand on va écouter le texte. Mais, on voulait qu'on l'écoute? On peut l'écouter, oui. Ah ben, on l'écoute. Oui. Et qu'on apporte le poison s'il est broyé. Socrate, le soleil est encore sur les montagnes et il n'a pas fini de se coucher. J'ai entendu dire que d'autres ont bu le poison très longtemps après en avoir reçu l'invite, après avoir bien mangé, bien bu, quelques-uns même, après avoir eu commerce avec les personnes dont ils pouvaient bien avoir envie. Allons, pas de précipitation. Il y a encore le temps. Il est naturel sans doute, Criton, que les gens dont tu parles fassent ce que tu dis. Pense en effet qu'ils gagneront quelque chose à le faire. Quant à moi, il est naturel aussi que je n'en fasse rien. Car je pense ne rien gagner à boire le poison un peu plus tard, sinon devenir pour moi-même un objet de risée, en me collant ainsi à la vie et en économisant alors qu'il n'en reste plus. Eh bien, mon brave, que faut-il que je fasse? Rien de plus que de faire un tour après avoir bu, jusqu'à ce que tes jambes se fassent lourdes. Ensuite, rester étendu. Socrate porta la coupe à ses lèvres et tout tranquillement, tout facilement, il la vida. Jusqu'à ce moment, nous avions, pour la plupart, réussi à nous retenir de pleurer. Mais quand nous vîmes qu'il buvait et qu'il avait bu, impossible. Ce fut plus fort que moi. Je laissai moi aussi couler mes larmes, à tel point que je dus me couvrir le visage pour pleurer sur moi-même, car ce n'était pas sur lui, mais sur mon propre sort que je pleurais, en comprenant quel ami j'allais perdre. Quant à Criton, qui, encore plus tôt que moi, n'avait pu retenir ses larmes, il s'était dressé. Mais Apollodore, qui, pendant tout le temps qui précédait, n'avait cessé de pleurer, se mit à ce moment-là à rugir de douleur, à hurler son indignation, si bien qu'il n'y avait personne de tous ceux qui étaient présents dont il ne brisa le courage. À l'exception, bien entendu, de Socrate qui dit « Mais que faites-vous donc? Vous êtes vraiment étonnant. Enfin, si j'ai renvoyé les femmes, c'est surtout pour cette raison, pour éviter semblables fausses notes. car j'ai entendu dire qu'il faut mourir avec des paroles de bon augure. Allons, restez calme et tenez bon. » Alors, pris de honte, nous réussîmes à nous retenir de pleurer. On vient d'entendre Nicolas Zax, donc un extrait du Phédon 117e. On a entendu, on va dire, la première partie de la mort de Socrate, le moment où il boit le poison. Et puis, on a affaire là véritablement à un drame. Alors, je vous repose la question maintenant qu'on a écouté cette première partie de la mort de Socrate. Comment un récit, un drame tel que celui-ci, où il y a de l'action, permet de conclure toute une dissertation philosophique faite d'arguments. Mais oui, alors là, je pense que tout se joue dans l'enjeu de la réaction des disciples à la mort, enfin au poison, au fait que Socrate est en train de boire le poison. Et donc, tous ressentent une émotion intense, l'envie de pleurer, et Socrate leur dit « mais non, c'est pas le moment de pleurer ». Et donc, là se rejoue l'enjeu, en un moment, si vous voulez, tout l'enjeu argumentatif qui a eu lieu avant, c'est-à-dire, est-ce que les arguments qui ont été donnés peuvent convaincre et rassurer les disciples quant à la mort de Socrate. Et là, Platon montre bien que Socrate, lui, est confiant, parce que encore une fois, il leur dit « je ne suis pas mon corps, ne pleurez pas mon corps, mais moi, je vais continuer à vivre ailleurs, comme on a dit, peut-être sur une terre supérieure. Mais les disciples, eux, ils hésitent. Mais il faut plus qu'hésiter. Exactement, exactement. Ils se laissent complètement aller. Alors, il y a tout un champ lexical du pathétique, on pourrait dire. Hein. Oui. Les larmes, les cris, l'indignation, en même temps la retenue. Et ce qui est assez fou, c'est qu'on voit là l'effet, comme vous l'avez dit, des paroles de Socrate durant les heures qui ont précédé le moment où il a bu le poison. L'effet est complètement raté. C'est-à-dire qu'il a voulu convaincre ses disciples qu'il fallait se réjouir de mourir. Et finalement, tout le monde pleure. Donc, la dimension consolatrice ou même, ne serait-ce que convaincante, philosophique de son propos, a échoué. Oui, et en un certain sens, ça devrait nous prémunir contre les critiques. On entend toujours que les arguments ne sont pas logiques, concluants logiquement, etc. Bon, en écrivant ça, Platon montre bien que, en tout cas, certaines personnes n'ont pas compris la logique, les disciples. Aussi, il montre, ça rappelle le début du texte où il parlait de l'enfant qui est en nous et qui a peur de la mort. Et donc, il nous montre un peu de manière très naturaliste, en fait, une oscillation entre pessimisme et optimisme qu'on peut avoir face à la mort. Et donc, parfois, on est consolé par ces arguments, et puis parfois, au contraire, on n'est pas du tout consolé et on n'arrive pas à s'empêcher d'être triste ou d'avoir peur. Et donc, je pense que c'est très naturaliste comme description, en fait, de ce qu'on peut ressentir et du fait que les arguments philosophiques sont là, mais ne convainquent pas tout le monde et parfois échouent. Mais alors, est-ce que Platon, là, c'est une manière de dire quand Platon... Parce qu'il faut le dire aussi au début, Platon n'assiste pas à la mort de Socrate car il est dit qu'il est malade. Oui. C'est Platon qui, quelques années plus tard, va écrire ce texte du Phédon, ce dialogue du Phédon. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a une sorte de distance critique de Platon vis-à-vis des paroles de Socrate? Une sorte de parce que c'est pas qu'une oscillation où intellectuellement j'arrive à me dire que la mort ça n'est rien, mais en même temps effectivement ça me touche. Est-ce que il y a une sorte de distance critique qu'établit Platon en disant ah, la philosophie peut échouer et mon maître Socrate peut échouer? Ou peut-être une distance moins vis-à-vis de Socrate que vis-à-vis des autres disciples qui étaient là, qui eux, peut-être que c'est une manière de dire que même si les discours sont dits et sont proférés, ils n'atteignent pas tout le monde et ils ne sont pas entendus. Ils sont écoutés, mais peut-être pas entendus. Donc je pense que s'il y a distance critique, c'est plutôt à l'égard de d'autres disciples, peut-être même des concurrents. Hein, parce qu'on sait qu'au début, ils citent pas mal de disciples, dont certains sont d'autres socratiques, ont écrit d'autres dialogues socratiques. Et donc il y a peut-être un enjeu un peu concurrentiel. De rivalité. Peut-être. En tout cas, montrer que tout le monde n'est pas philosophe et tout le monde n'est pas capable d'entendre les paroles de Socrate et d'en comprendre le sens, d'en comprendre le sens profond, peut-être. Ou du moins que les paroles n'ont pas un effet immédiat et que, parce que c'est aussi une invitation de Socrate à la fin du Phédon, à la fin de sa démonstration, de dire, de toute façon, ce sera à vous de pousser plus loin le raisonnement. Tout à fait. En fait, en réalité, on peut aussi ne pas être si dur avec ses disciples et se dire que ça prend du temps. En réalité, ça prend du temps de lire le Phédon. On le lit pas qu'une fois. En général, on doit le lire beaucoup pour s'en imprégner et comprendre la logique argumentative. Et donc, c'est pas tout à fait anormal qu'ils aient pas compris le sens des paroles de Socrate. Donc, de ce point de vue-là, on peut les pardonner, oui. Il faut quand même souligner aussi cet anti-féminisme ou anti-, je sais pas comment dire, cette misogynie de Socrate. Socrate à l'égard des femmes. Alors, l'idée n'est pas de relire Socrate du 21e siècle avec des débats actuels pour plaquer ça sur une période comme celle de l'Antiquité, mais l'idée est quand même de souligner effectivement cette insistance sur l'exclusion des femmes, parce qu'il faut dire par exemple que Socrate a aussi exclu les femmes, notamment pour les soins du corps, donc ça veut dire qu'il s'est lavé tout seul. Alors, normalement, c'est un soin qui revient aux femmes. Là, il l'a fait tout seul, et là, l'argument qu'il donne à ses disciples pour qu'ils arrêtent de pleurer, c'est pas tant « souvenez-vous mes bonnes paroles », par exemple, c'est plutôt « vous n'allez pas vous conduire comme des femmes ». Oui, oui, c'est vrai. De ce point de vue-là, Platon montre fidèlement ce qu'il en était de la société athénienne de l'époque. Hein. C'est-à-dire que les femmes étaient exclues des cercles littéraires et intellectuels, en tout cas en grande partie, même s'il y a des exceptions. Donc oui, de ce point de vue-là, c'est vrai que Platon montre ce qu'il en était. Alors, il y a peut-être une signification culturelle aussi, parce que comme vous l'avez expliqué, il y a le rite. Donc Socrate, avant de prendre le poison, doit se baigner, ce qui est normalement quelque chose de un rôle dévolu aux femmes. Et qui reprend à son compte ici. Alors ici, je suis très prudent. Il y a peut-être une allusion à ce qu'on appelle des cultes orphiques ou des purifications orphiques, qui est une variante mystique de la religion grecque, dont les femmes étaient exclues. Donc, il est possible que ce soit un symbole de ça. Alors, je voudrais quand même dire, et ça, il y a certaines lectures féministes qui en parlent, qui disent qu'en réalité, l'exclusion des femmes ici a un effet paradoxal de réinvestissement des, comme vous l'avez expliqué, du rôle féminin par Socrate. C'est-à-dire que c'est lui qui se baigne pour éviter qu'on nettoie son cadavre. C'est lui qui dicte la manière dont ça va se passer après sa mort. Et donc, on a souligné ça que finalement, alors, ça reste une exclusion, mais paradoxalement, il y a un effet de réinvestissement des tâches féminines par Socrate, au point même où on se demande si sa mort n'est pas une seconde naissance. Et ici, on a dit parfois qu'il se donnait naissance à lui-même dans certaines lectures féministes. Donc c'est vrai, et ce qui est intéressant de voir, c'est les effets en fait de cette exclusion sur le texte philosophique. Alors quels effets ? Ben c'était comme je vous expliquais, l'effet c'est que Socrate finalement est contraint de reprendre à son compte les fonctions féminines. Donc c'est pas tant une mort virile ou masculine où il meurt en héros et personne ne doit pleurer, tout le monde doit serrer les dents, c'est plutôt au contraire une manière de dire cette exclusion paradoxalement le fait que je n'ai pas peur de la mort mais que je vois ça comme une renaissance, c'est en fait que j'investisse un rôle féminin, c'est ça ? Ben, c'est-à-dire que ça a été dit en tout cas. Il y a par exemple une auteure qui s'appelle Sarah Kaufman qui parle du devenir femme de Socrate. Donc oui, il y a. Je ne suis pas spécialiste de ça, mais il y a en effet toute une idée que cette exclusion a un effet, un refoulement, un retour paradoxal en fait dans les fonctions que Socrate doit occuper, y compris symboliquement la fonction de. Parce que vous savez que Socrate, sa mère était accoucheuse et que lui-même se reconnaît comme un maïoticien. Maïoticien, c'est-à-dire accoucher les âmes. Et donc il y a quand même tout un rapport à cette fonction féminine d'accoucher que Socrate reprend à son compte. Alors, reprend à son compte ou s'approprie, ça dépend un peu comment on voit les choses. Je vous propose qu'on écoute la suite de la mort de Socrate. Ça y est, on y est. Socrate se mit à marcher de long en large, puis il nous dit que ses jambes s'alourdissaient. Il se coucha sur le dos, comme le lui avait recommandé l'homme qui lui avait apporté le poison. Celui-ci, alors, lui palpa les bras et les jambes et continua à les examiner par intervalles. Au bout d'un moment, il lui serra le pied avec force et lui demanda s'il sentait quelque chose. Socrate dit que non. Ensuite, l'homme en fit autant pour les chevilles. Et à mesure qu'il remontait le long des jambes, il nous montrait ainsi que Socrate se refroidissait et devenait raide. Il continuait de le palper et dit que lorsque le froid lui atteindrait le cœur, alors Socrate partirait. Déjà, presque toute la région du bas-ventre était froide. Découvrant son visage, car il se l'était couvert, Socrate dit, et ce furent là les derniers mots qu'il prononça, « Criton, nous devons un coq à Esculape. Payez cette dette, ne soyez pas négligent. »« Bien sûr, » fit Criton, « ce sera fait. Mais vois si tu n'as rien d'autre à nous dire. » À cette question, Socrate ne répondit plus rien. Au bout d'un petit moment, il eut un soubresaut. L'homme lui découvrit le visage. Socrate avait le regard fixe. Voyant cela, Criton lui ferma la bouche et les yeux. Voilà ce que fut la fin de notre ami, d'un homme dont nous pouvons dire que parmi tous ceux qu'il nous a été donné de connaître, il fut le meilleur, le plus sensé aussi, et le plus juste. France Culture, Les Chemins de la Philosophie, Géraldine Mosna-Savoie. Alors ça y est, Socrate a bu le poison et il est mort. Il y a énormément de choses à se dire sur ce texte qu'on vient d'entendre, interprété par Bernard Gabé. Donc je répète que c'est un extrait du Phédon, 117e-118a. Ce qui est fascinant avec ce texte, on peut dire que c'est la deuxième partie en fait de la mort de Socrate, puisqu'on l'a entendu d'abord boire le poison, ses disciples pleurer, s'indigner. Et là, ça y est, le poison fait effet. Ce qui est fascinant, c'est la manière dont on suit l'action du poison dans le corps de Socrate. Et on a l'impression, en lisant ce texte, qui passe pourtant comme en un éclair, qu'on assiste à la dissociation en fait de l'âme et du corps de Socrate. Ce qu'on a pu lire dans les pages d'avant, des pages et des pages, parfois sans comprendre, tout à coup se concrétise et on suit ce poison qui donc fait mourir Socrate et nous laisse espérer que peut-être son âme va perdurer. Oui, oui. Alors, c'est vrai, c'est une description très, très intéressante, très fine. Et on s'est beaucoup questionné pour savoir si c'était une description clinique, réelle. Est-ce que c'est bien l'effet que le poison produit? Et ça a agité énormément les commentateurs de ce texte. Ah oui? Oui, oui. C'est un débat qui était très prégnant chez les toxicologues anglais du XVIIe siècle. C'est vrai? Oui, oui, c'est vrai. Oui. Il y a tout un champ de recherche sur la question de savoir est-ce que c'est bien une description clinique. Alors vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on devrait s'en soucier? Mais il y a quand même un enjeu philosophique un tout petit peu. C'est que, comme vous l'avez dit exactement, la façon dont la mort est décrite ici semble correspondre exactement à ce qui a été décrit dans le dialogue, ce qu'on a vu, ce que vous avez vu toute la semaine avec vos invités, c'est-à-dire l'effet de déliaison progressive de l'âme et du corps, et une déliaison qui se fait finalement assez bien, hein, assez sereinement. Sereinement, exactement. Or, certains toxicologues ont dit la ciguë, ça produit pas du tout cet effet-là. Ça produit de la convulsion, ça produit des vomissements, ça produit plein de choses complètement spectaculaires. Si vous voulez. Ah oui, alors là, on a vaguement un soubresaut. Un soubresaut, oui. Mais normalement, on disait les objecteurs, c'est beaucoup plus grave que ça. C'est des vomissements, des convulsions. Bon. Et alors, la question était de savoir, est-ce que Platon a bien donné une description clinique de la mort de Socrate, réelle? Ça a été mis en doute. Et on en doutait en se disant qu'il a voulu, en gros, défendre ce qu'il avait dit avant. Tout ce qu'il avait dit avant. Aller dans le sens de Socrate. Si on n'a pas peur de la mort, aucune raison de s'agiter avant la mort. Ça la ferait mal que l'âme n'arrive pas à sortir du corps, alors qu'elle est censée être purifiée pendant... Par la vie philosophique de Socrate. Exactement. Alors, mais il y a un argument qu'on peut donner contre cette idée-là, c'est qu'en fait, les gens à l'époque savaient l'effet que la ciguë faisait, puisque la ciguë était bue par d'autres condamnés. Et donc, Platon ne pouvait pas faire un mensonge comme ça et honter, on l'aurait vu, les contemporains auraient vu. Donc, on peut se dire a priori que s'il l'a fait, c'était un gros mensonge, pas un petit mensonge. Alors, la recherche contemporaine dit qu'en réalité, si on considère qu'il a bu une ciguë, pas une ciguë d'eau, mais une ciguë haute, donc parce qu'il y a plusieurs types de ciguë. D'accord. Alors, c'est bien les effets qui sont décrits dans le texte, c'est-à-dire, en fait, un engourdissement progressif des membres inférieurs. Comme une anesthésie, finalement. Exactement. Alors, il y a encore un petit doute, parce qu'on dit, oui, ok, mais la ciguë haute ne produit pas un raidissement des jambes. Or, si dans le texte qu'on a lu, on parle d'un raidissement des jambes. Oui. Mais alors là, on peut un peu chipoter, parce que le terme grec, c'est pegnoumie, qui est traduit ici par raidissement, mais il est possible d'avoir une traduction alternative et de voir plutôt une paralysie des jambes, paralysie progressive ou ramollissement plutôt que raidissement. On se raidit pas en fait, on est paralysé ou figé ou ramolli. On sent qu'il y a un véritable raidissement des jambes. Et donc, si on traduit de cette manière-là, et si on considère qu'il a bu la ciguë dite haute plutôt que la ciguë de dos, alors la description de Platon est en effet clinique. Et moi, j'aurais tendance à la croire, parce que sinon, comme je vous ai dit, le mensonge serait trop gros. En fait. Le mensonge serait trop gros. Oui. En même temps, on peut aussi se dire, comme vous l'avez souligné, que c'est peut-être un mensonge, mais que tout le monde l'a accepté en se disant « c'est la mort de Socrate ». C'est paru quelques années après sa mort, donc ça a été écrit quelques années, une dizaine d'années après sa mort. Donc finalement, ça n'était plus le condamné à mort, il avait une renommée. Est-ce qu'il ne fallait pas aussi préserver et peut-être commencer à construire le mythe de Socrate ? Parce qu'on peut se demander aussi si là, il n'y a pas plus qu'une description clinique ou pas du poison, vraiment une sorte de romantisation de la mort de Socrate. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on peut aussi, disons, accepter comme une licence poétique, en fait, une licence mythique dans ce cas-ci, où finalement, Platon, on aurait peu à faire de la vraisemblance historique. De toute façon, d'ailleurs, il n'y était pas, d'après lui. Donc voilà. Et il aurait tout intérêt à glorifier son mentor. Oui. Moi, je serais prêt à accepter ça. Mais comme je vous dis, la question est de savoir quel type de vraisemblance Platon essayait d'avoir. Est-ce qu'il devait donner une description clinique ou pas ? Mais c'est ça qui est paradoxal. C'est-à-dire qu'en fait, là, on a vraiment une contradiction. À la fois, décrire une mort aussi sereine va dans le sens des arguments de Socrate dans le Phédon, la dissociation de l'âme et du corps. Et en même temps, ça va complètement à rebours de tout ce qui est sa défense de la vraisemblance, ou du moins, même plus, de la vérité. C'est-à-dire que, à la limite, que Platon ait menti, mais en fait, ça vient presque contredire en fait la portée de la figure de Socrate qui est l'homme tendu vers la vérité. Oui, ben c'est pour ça que les commentateurs sont aussi attentifs à savoir quel type de ciguë il a en effet bu, quel type d'effet cette ciguë était censée produire, et qu'en fait on a envie de donner à Platon une véritable description, parce que ce serait un peu facile au fond de tricher au dernier moment. Donc il est possible que Socrate ait bien bu ce type de ciguë et que les effets ont été une mort sereine et douce. Alors il faut noter que Socrate a la chance d'échapper à des condamnations qui sont parfois, des modes d'exécution qui sont parfois beaucoup plus violents que cela. Finalement, la ciguë, c'est pas mal. C'est mieux que la crucifixion, par exemple. On peut aussi se demander qui a payé la ciguë. Les amis de Socrate. Donc c'est aussi questionné par les commentateurs. Qui a payé la ciguë ? Est-ce que c'est les amis de Socrate ? Est-ce que c'est Platon lui-même ? Parce que il se pourrait que quelqu'un ait dû la payer, puisque c'était un mode d'exécution, disons, aristocratique. Donc voilà, oui. Alors, il y a aussi dans ce texte une dimension, on dirait, presque ironique, c'est pas tant la mort sereine qui peut nous frapper de Socrate, c'est aussi presque un petit peu ridicule les derniers mots de Socrate. Criton, nous devons un coq à Esculape, payez cette dette, ne soyez pas négligent. Alors, on va revenir longuement là-dessus, mais ce qui est intéressant, c'est que Criton, un petit peu désarçonné, dit quand même à Socrate, mais vois si tu n'as rien d'autre à nous dire. Comme s'il attendait une parole forte de son maître, et non, rien d'autre. Alors pourquoi cette parole presque un petit peu, qui semble un petit peu anecdotique ? Déjà, il faut nous dire qui est Esculape, pourquoi un coq, et pourquoi ça semble un petit peu... C'est vrai. Alors c'est vrai qu'il y a un effet comique en fait, un peu une sorte de déflation comique. Freud disait que le comique survient dans la différence de potentiel entre un moment très tragique et un moment pas du tout tragique. C'est exactement ça qui arrive. Tout d'un coup, il dit quelque chose qui semble complètement trivial. Ça a également évidemment suscité la grande curiosité des commentateurs. Et là, je vais peut-être rentrer un peu dans les détails si j'ai l'occasion, parce que c'est une question compliquée. Esculape, qui c'est, ou Asclépios, c'est le fils d'Apollon et c'est un dieu guérisseur. Donc c'est quelqu'un qu'on appelle et qu'on remercie pour une guérison qu'il a effectuée. Donc on peut présumer que quand Socrate dit qu'on nous devons un coq à Esculape, il le remercie pour une guérison. Alors, comment interpréter ces mots presque comiques ? Alors, l'interprétation, disons, traditionnelle et standard du passage, c'est l'interprétation selon laquelle Socrate remercie Esculape pour l'avoir guéri de la vie, qui est la maladie de la vie. Donc, la mort serait le remède à la vie comme maladie. Et donc, de rendre un coq à Esculape, ce serait remercier d'avoir guéri de cette maladie qu'est la vie. Qui tient cette interprétation ? Beaucoup de gens depuis Damascus, on va le voir peut-être un peu plus tard, des auteurs plus connus, mais depuis au moins Damascus, c'est une interprétation qui a beaucoup de formes différentes, mais qui est, disons, l'interprétation standard. Mais je pense qu'elle est fausse, je ne suis pas d'ailleurs le seul à le penser, mais je pense qu'elle est fausse pour une raison précise, c'est que la vie n'est jamais assimilée à une maladie. Je vous propose, oui, Nicolas Sacks, qu'en fait, qu'on écoute un texte de Nietzsche, oui, qui a précisément cette interprétation-là, exactement, des dernières paroles de Nietzsche, comme ça vous pourrez de Socrate, comme ça vous pourrez critiquer Nietzsche. Exactement, ok. J'admire le courage et la sagesse de Socrate en tout ce qu'il faisait, disait et ne disait point. Ce démon et preneur de rats d'Athènes, ironique et amoureux, qui faisait trembler et sangloter les plus orgueilleux jeunes gens, n'était pas seulement le bavard le plus sage qui fut jamais. Il avait autant de grandeur dans le silence. J'eusse aimé qu'il fût demeuré silencieux aux derniers instants de sa vie. Peut-être eût-il alors appartenu à un ordre d'esprit encore plus élevé. Était-ce la mort ou le poison, la piété ou la malignité? Quelque chose en cet instant lui délia la langue et il dit « Oh, Criton, je dois un coq à Esculape. » Cette risible et terrible dernière parole signifie pour qui sait entendre « Oh, Criton, la vie est une maladie. » Est-ce possible? Un homme tel que lui, qui avait vécu gaiement et comme un soldat aux yeux de tous, était un pessimiste. Il n'avait donc fait autre chose que bonne contenance à l'égard de la vie, que cacher de son vivant son ultime jugement, son plus intime sentiment. Socrate, Socrate a donc souffert de la vie, et il s'en est encore vengé, au moyen de ce mot obscur, horrible, pieux et blasphématoire. Fallait-il encore que Socrate en vînt à se venger? Un grain de générosité manquait-il à sa surabondante vertu? Ah, mes amis, il nous faut dépasser même les Grecs. Alors se découvrant, Socrate dit « Criton, nous devons un coq à Esculape. N'oublie pas d'acquitter cette dette. » On vient d'entendre Nicolas Sacks, donc un extrait du Gai Savoir de Nietzsche, donc de 1882, c'est le paragraphe 340, Socrate mourant. Alors il tient exactement la position, la première lecture que vous nous avez donnée, Nicolas Sacks, à savoir que quand Socrate dit « Criton, nous devons un coq à Esculape », cela veut dire « nous devons remercier Esculape de nous avoir guéri de la vie », ce que Nietzsche trouve parfaitement risible et terrible et révèle le pessimisme de Socrate. Oui, alors Nietzsche le dit avec beaucoup de verbes, hein. C'est un texte très amusant. Oui, qui est très drôle. Très drôle, bon, et qui est bien écrit, etc. Donc, et d'ailleurs, je vais le dire avant de donner ma critique, le rapport entre Nietzsche et Socrate est beaucoup plus compliqué que cette question de l'interprétation du Phédon, et est beaucoup plus profonde, notamment sur la question de le fait que Socrate serait le symptôme d'une décadence et de fin du monde aristocratique et du monde tragique. Bon, mais je laisse ça de côté pour me concentrer sur l'interprétation qu'il donne du Phédon. Et là, comme je vous l'ai dit, c'est une interprétation qui n'est pas tout à fait novatrice. C'est une interprétation qui est soutenue depuis Damascus, que quelqu'un comme Alphonse de Lamartine, à la même époque que Nietzsche, défend dans son poème « La mort de Socrate ». Donc, c'est dans le zeitgeist, si vous voulez, c'est dans l'esprit du temps. Alors, comme je l'ai expliqué, je pense que cette interprétation n'est pas tout à fait correcte dans la mesure où la vie n'est pas associée à une maladie dans le Phédon. C'est même l'inverse. Au contraire, l'âme est le principe vital. Exactement. Et la personne qui associe la vie à la maladie, c'est Sébès. Quand il dit, donc, je ne sais pas si on en a parlé cette semaine, mais il parle de l'idée que la vie, quand elle est associée au corps, s'épuise et finit par... des arguments. Alors Sébès, il faut le rappeler, c'est quand même un des disciples de Socrate qui est un de ceux qui apporte le plus d'objections à Socrate et qui effectivement lui apporte cette objection de, qu'on pourrait dire, de l'âme-vêtement. Exact. À savoir que l'âme est forcément associé au corps et peut-être plus résistant que le corps, mais au bout d'un moment finit par s'user. Tout à fait. Donc, et pour être précis, c'est en 95D, il associe cette idée d'âme-vêtement en disant que quand l'âme s'associe au corps, c'est comme une maladie. Mais Socrate refuse cette interprétation, cette lecture de la vie. Cette lecture de l'âme comme immatérielle. Exact. enfin comme immatériel qui s'épuise après les incarnations. Donc a priori, on peut pas considérer qu'il fait équivaloir la vie et la maladie. Par ailleurs, je signale aussi que nous devons un coq à Esculape, c'est un remerciement. C'est pas une prière. C'est un remerciement pour quelque chose qui a déjà eu lieu. Or, il n'est pas encore mort. Donc, il peut difficilement le remercier pour quelque chose qui n'a pas encore eu lieu. Mais qui est quand même en train de se produire. On est d'accord, mais il n'est pas tout à fait mort. Bon. Bon, c'est un peu jouer avec les mots. Mais en tout cas, il y a des raisons pour chercher une interprétation différente de ce passage. Alors, j'y viens maintenant à l'interprétation alternative. Je vous interromps. Et puis, il y a une erreur de Nietzsche. Socrate ne dit pas « je dois un coq à Esculape ». Il dit « nous devons ». Un coq à Esculape. Exactement, exactement. Et ça fait tout à fait partie de l'interprétation, du premier moment de cette interprétation, c'est que ce n'est pas Socrate lui-même, c'est un nous. Alors qu'est-ce que c'est ce nous ? Bon, ça, la question est ouverte. On pourrait penser que c'est nous, c'est-à-dire les disciples, nous et Socrate et ses disciples, mais on pourrait être aussi un peu plus généreux et inclure toute personne philosophe. Nous, philosophes, peut-être un nous philosophique, devons un coq à Esculape. Alors, disons maintenant, si on veut savoir de quoi est-ce qu'on a été guéri. Alors, comme vous l'avez rappelé au début du texte, il y a bien quelqu'un qui est malade dans le Phédon. C'est Platon. Donc, on peut imaginer que Platon, ici de manière en fait très subtile, signe son texte en disant que la personne qui a été guérie grâce à Socrate, eh bien, c'est Platon lui-même. Ce serait génial si c'était ça. Ce serait génial. C'est une bonne interprétation. C'est pour ça que j'aurais tendance à la défendre. Alors on me dira, mais comment il pourrait savoir, Socrate ? Comment est-ce qu'il pourrait savoir que... Bah ça, c'est Platon qui le dit, de toute façon. C'est vrai. Et en plus, disent les commentateurs, il y avait une croyance grecque dans le fait qu'au moment de mourir, on avait une forme de prévoyance ou de clairvoyance. Vous vous souvenez que Socrate se compare à des signes, plutôt dans le dialogue, et notamment les signes qui sont les oiseaux d'Apollon, mm-hmm. Apollon qui est don de divination. Et donc, en tant qu'il est apollinien, en tant qu'il est associé à un signe, Socrate aurait la divination que Platon a été guéri. Alors, on peut aller même encore un peu plus loin. De quoi est-ce qu'il aurait été guéri ? Là aussi, il y a une maladie dont on a parlé hier, je pense, dans l'émission. Une autre maladie qui est la plus grave chose qui peut arriver à un être humain, c'est la misologie. Mm-hmm. Donc, le fait d'avoir la haine du logos, de la raison, des raisonnements. Exactement. On en a parlé hier, c'est-à-dire on s'en fiche de finalement ce qu'il est dit, ce qu'il en est réellement. On peut soutenir le vrai, le faux, une thèse et son antithèse, voilà. Peu importe. Et Socrate dit que c'est la pire des choses qui puisse arriver à un être humain. Il dit pathos, alors il dit pas maladie, on est d'accord, mais il dit pathos. Et pathos, parfois, c'est synonyme de maladie. Donc, si je remets tout ce que j'ai dit ensemble, pour être un peu clair pour les auditeurs, moi j'aurais tendance à dire que le coq à Esculape, Socrate le doit parce que Platon a été guéri, peut-être d'une haine des raisonnements, par le dialogue que Socrate a eu avec ses disciples. Et nous devons un coq à Esculape, c'est aussi une manière de dire, et là c'est pas une manière de rejoindre Nietzsche. En fait, Nietzsche dit la vie, mais parce que lui-même a une philosophie de la vie, mais nous devons un coq à Esculape, c'est aussi une manière de dire merci de m'avoir guéri de la vie, pas tant du principe vital de l'âme, mais de la vie qui est aussi une existence faite d'errance, de doute, et qui est propre à me faire douter de la raison, ce qui permettrait en fait d'allier Nietzsche et Socrate. Oui, c'est vrai qu'au fond, une autre manière de comprendre le passage, ce serait de considérer qu'il y a deux sens de vie. Il y a la vie liée au corps, qui provoque ses errements, et puis il y a la vie après la mort, qui au contraire, elle est une vie de la pensée, une vie heureuse, pleine de félicité, etc. Donc, oui. Socrate, mourant sans douleur, sans ignominie, soutint aisément jusqu'au bout son personnage. Et si cette facile mort n'eût honoré sa vie, on douterait si Socrate, avec tout son esprit, fût autre chose qu'un sophiste. Il inventa, dit-on, la morale, d'autres avant lui l'avaient mise en pratique. Il ne fit que dire ce qu'ils avaient fait, il ne fit que mettre en leçon leurs exemples. La mort de Socrate, philosophant tranquillement avec ses amis, est ainsi la plus douce qu'on puisse désirer. Mais celle de Jésus, expirant dans les tourments, injuriés, raillés, maudits de tout un peuple, est la plus horrible qu'on puisse craindre. Socrate, prenant la coupe empoisonnée, bénit celui qui la lui présente et qui pleure. Jésus, lui, au milieu d'un supplice affreux, prie pour ses bourreaux acharnés. Oui, si la vie et la mort de Socrate sont d'un sage, la vie et la mort de Jésus sont d'un dieu. Quand il reviendra, il fera grand jour. Celui qui inventa l'amour, au fond d'une étape, d'une naquit de Marie, personne n'avait voulu de lui. Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient comme il est tien. Léo de la croix, indique-nous le chemin, toi qui le connais si bien. Vous écoutez France Culture, c'est le dernier temps de notre série consacrée au Phédon et aujourd'hui c'est la mort de Socrate. La mort de Socrate qui est devenue un mythe, Nicolas Zax, il faut le souligner. C'est devenu un mythe au point que au XVIIe siècle et au siècle des Lumières, les textes du Phédon s'arrachaient, les textes de Platon s'arrachaient et Rousseau nous propose ce texte que j'ai lu dans l'Émile et de l'Éducation, c'est le livre 4, c'est dans la profession de foi du vicaire savoyard. Il fait cette comparaison entre Socrate et Jésus. Alors effectivement, c'est plutôt à l'avantage de Jésus qui lui a véritablement souffert, mais Socrate, néanmoins, la mort de Socrate est devenue un moment clé qui permet quand même de produire des comparaisons et de juger de ce qui est une bonne mort ou une mauvaise mort. Oui, oui, oui. En effet, comme on l'a expliqué, après ces derniers mots dont on a parlé et la publication du Phédon, la mort de Socrate est devenue rapidement un mythe dès l'Antiquité. Et donc c'est pas aux Lumières, au moment où il y a eu des retraductions. Alors oui, ça il y a eu plus d'attention publique, notamment dans les Lumières et dans la période révolutionnaire, où pour des raisons assez claires, on avait un parallèle entre Socrate comme libre penseur et l'oppression de l'État. Donc, comme je l'expliquais, dès l'Antiquité. Et ça, en effet, préoccupait fort les premiers penseurs chrétiens, les pères de l'Église ou les théologiens, qui, comme Rousseau, comparent la mort de Socrate et la mort de Jésus. Et essaye d'y voir à la fois des similarités en voyant la mort de Socrate comme une préfiguration de la mort de Jésus, une sorte de pré-chrétien, mais aussi de défendre au fait l'originalité de la mort de Jésus qui serait en danger par rapport à l'originalité de la mort de Socrate. Et donc en général, d'ailleurs comme je pense Rousseau le fait dans ce texte, l'insistance est sur le fait que Socrate n'a pas souffert et à ce titre-là a eu une mort facile. Plutôt qu'une mort violente comme celle de Jésus. Un autre point que les chrétiens et Rousseau après eux, enfin que les premiers chrétiens et Rousseau après eux mettent en exergue, c'est l'idée que Socrate a trop parlé. Hein. Et ça, on avait aussi la même idée dans le texte de Nietzsche, que c'était une pipelette. C'est l'idée. Oui, Voltaire dit que c'était le bavard athénien ou le bavard au nez épaté. Exactement. Donc ça, c'est un reproche traditionnel qu'on fait, c'est le fait que Socrate finalement parlait trop. Et c'est là aussi un reproche ancien, c'était déjà présent dans la culture romaine, chez Caton l'Ancien notamment, l'idée que Socrate parlait trop et n'avait pas la virilité requise par une culture militaire comme la culture romaine. Et les Romains ont développé d'autres modèles, d'autres morts, comme la mort de Caton le Jeune, qui s'est suicidé après avoir lu le Phédon, mais lui s'est éviscéré par exemple, vivant, enfin il s'est auto-éviscéré. D'accord. Et donc il y avait cette idée que les différentes cultures doivent produire des morts finalement plus spectaculaires, plus violentes, pour se démarquer de la mort tranquille qui est celle de Socrate. Et puis il y a aussi, donc si je vous suis bien, Nicolas, ça c'est que dans les morts dans les interprétations de la mort de Socrate, il y a d'abord une sorte de valorisation, en fait, de mythification de cette mort sereine qui endure la douleur. Là, on peut aussi mentionner quand même les stoïciens qui ont effectivement fait de, non pas de Socrate et de sa philosophie, mais plus de sa mort, l'incarnation de celui qui endure, stoïquement, la souffrance, les douleurs, la mort, les pressions politiques, la condamnation. Mais il y a aussi donc une autre interprétation qui serait cette mort-là finalement, elle n'est pas si intéressante que ça. Donc c'est quand même incroyable que ce tel moment de la mort ait cristallisé des lectures aussi diverses. C'est-à-dire qu'on a chacun a voulu projeter et finalement a usé différemment du mythe de la mort. Oui, tout à fait, tout à fait. C'est disons que c'est devenu, ça a atteint ce qu'on a le statut de mythe. qui avait cette ambivalence où, et je l'ai pas dit, mais en effet, dans la culture romaine, à côté de ces valeurs martiales d'endurer la douleur, il y avait les modèles stoïciens qui voyaient dans la mort de Socrate un modèle face à la mort. Comme vous l'avez rappelé, donc quelqu'un comme Sénèque, par exemple, qui lui-même a pris exemple sur Socrate pour sa propre mort et ses propres suicides forcés. Et comment comprendre cette valorisation, donc une fois de cette mythification de la mort de Socrate élaborée dès l'Antiquité, comment comprendre qu'aux Lumières, il y ait aussi une telle diffusion, succès de Socrate à cette époque-là. Alors, et là, on parle de Diderot qui a écrit sur Socrate, on parle de Voltaire qui a fait une pièce sur Socrate, même si il riait un peu de lui en le parlant le bavard, en disant qu'il était le bavard athénien. Et puis Rousseau que j'ai lu. Les Lumières beaucoup correspondent à partir de ce moment-là, les traductions du Phédon sont plus disponibles aussi, hein, donc ça correspond à une diffusion, à des conditions matérielles et sociologiques de diffusion de la culture, et donc à partir du moment où le texte est plus diffusé, il y a plus de cristallisation. Mais là, les textes de Platon sont diffusés, rediffusés, retraduits, représentés, on fait des émissions dessus, et pourtant il n'y a pas une telle mythification de Socrate en ce moment. Aujourd'hui, vous voulez dire. Aujourd'hui. Oui. Alors bon, là, il faut comparer ces deux époques. On peut imaginer que dans une époque pré-révolutionnaire et où il fallait s'opposer, disons, à l'autorité de l'Église, la figure de Socrate est constituée un modèle à l'époque. Un modèle, comme je l'expliquais, comme une sorte de libre penseur face à l'oppression de l'État. Et d'ailleurs, je pense que c'est Voltaire qui comparait la démocratie athénienne qui, disait-il, avait mis à mort une personne, et comparé à l'Ancien Régime qui avait mis à mort beaucoup plus de gens. Et donc il disait, bah, finalement, les Athéniens étaient presque plus philosophes, ils ont mis un seul homme à mort, puis ils l'ont regretté, ils lui ont fait une statue. Donc chaque époque, en fait, va comparer sa propre époque et son rapport à l'intolérance avec l'époque où Socrate a été mis à mort. Alors pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on en parle moins? Bon, alors là on peut dire parce qu'il y a moins de connaissances de la culture ancienne en général, il y a une décrue de la connaissance de la culture ancienne. Et puis on peut s'imaginer, on peut se demander si la figure masculine de Socrate comme un vieux sage est encore une figure pertinente pour les gens. Oui, c'est une bonne question. C'est vrai que en plus quand on lit le Phédon, il a même un côté agaçant parfois. Voilà. Alors moi, si vous voulez mon opinion, j'ai l'impression que son potentiel, disons, critique est moins fort, enfin c'est moins la question de sa mort que la façon dont il pose des questions et son ironie. Alors là, je pense qu'on a beaucoup à apprendre, notamment par rapport aux réseaux sociaux et à la question du trollage, etc. Je pense que là, il y a une sorte de questionnement qu'on peut poser à Socrate. Et quelle était son ironie? Le fait qu'il n'avait pas peur de parler aux puissants, le fait qu'il montrait leur ignorance. Alors là, je pense qu'il y a un vrai potentiel critique à reprendre. Je vous propose d'écouter une dernière archive, Nicolas Zach. C'est la voix de Foucault qui, quand même, en 84, donc assez récemment, quand même, a étudié la figure de Socrate. À ce rôle du sage qui, fondamentalement, se tait, ne parle que quand il veut bien et ne parle que par énigme, eh bien s'oppose le personnage et les caractères du parésiaste. Le parésiaste, lui, n'est pas quelqu'un qui se tient fondamentalement dans la réserve, au contraire. Son obligation, sa charge, sa tâche, c'est de parler, et il n'a pas le droit de se dérober à cette tâche. Socrate, qui le rappelle dans l'Apologie bien souvent, il a reçu du Dieu cette fonction d'aller interpeller les hommes, d'aller les prendre par la manche, d'aller leur poser des questions, et cette tâche, il ne l'abandonnera pas, même menacé par la mort. Il mènera sa tâche jusqu'au bout, jusqu'à son dernier souffle, dit-il. Alors que le sage se tient dans le silence et ne répond que parcimonieusement, le moins possible, aux questions qu'on peut lui poser, le parésiaste, lui, est l'indéfini, le permanent, l'insupportable interpellateur. Alors, il faut le préciser, dans cette archive de Michel Foucault, donc c'est son cours au Collège de France du 1er février 1984, Le courage de la vérité. Il faut dire que le parésiaste, littéralement, c'est celui qui pratique la parésia, c'est celui qui pratique le dire vrai. Et c'est très intéressant parce que là, Foucault nous dit, attention, en fait, Socrate, c'est pas la figure du sage, c'est la figure du parésiaste, c'est pas pareil. Le sage sait se taire, alors que le parésiaste parle tout le temps et veut dire vrai tout le temps. Et là, on retrouve peut-être la réactivation qu'on pourrait faire de Socrate aujourd'hui et des textes de Platon aujourd'hui, à savoir cette dimension critique et de mise à l'épreuve du dire vrai. Oui. Alors ici, donc oui, Michel Foucault fait une opposition entre le sage qui est économe de ses paroles et le parésias qui dit vrai, mais alors dont la caractéristique est aussi de dire vrai à n'importe qui, c'est-à-dire de pas se laisser impressionner par les positions d'autorité. Et donc le dire vrai, en effet, Socrate, comme je l'expliquais, avait cette habitude d'aller sur le marché, d'interroger les puissants de son époque, les artistes, les hommes politiques, les artisans, et de montrer que, alors qu'ils pensaient qu'ils avaient un savoir, en fait, ils n'en ont pas du tout. Et donc, il faut se rendre compte un peu de la radicalité de ça. Ça peut nous paraître amusant, mais si vous imaginez, vous interviewez quelqu'un de très puissant, et vous, par vos questions, démontrez les contradictions de cette personne, et que, alors qu'elle défend la position d'un savoir, ou la possession d'un savoir, ou la possession d'une expertise, en fait, apparaît absolument pas du tout un expert. Mais c'est parfois ce qui se passe, non, dans les interviews en ce moment, dans les entretiens. On essaye de mettre à nu quelqu'un, de le mettre face à ses contradictions. Les interviews politiques fonctionnent essentiellement là-dessus, notamment d'ailleurs avec leur part d'agressivité. Oui. Il y a vraiment, et au-delà de cette méthodologie-là de l'interview politique parfois, il y a aussi, et on l'entend tout le temps dans l'air du temps, cette volonté de dire vrai, les discours de vérité. Moi, je sais ce qu'est la vérité, moi, je sais ce qui est caché que vous ne savez pas. Il y a quand même cette mode-là. Oui, c'est vrai. Mais bon, alors on peut imaginer que ça n'a pas tout à fait la même. Enfin, dire vrai comme ça, ça a perdu. C'est un peu une formule qui a perdu de son sens. Hein, je veux dire. Oui, c'est devenu impensif. Oui, c'est devenu impensif, exactement. Alors, de quelle vérité on parle? Qu'est-ce que la vérité? Bon, ça c'est une question qui, quand quelqu'un assume une position de vérité comme ça, on peut se demander qu'est-ce qu'il veut dire par ça. Mais pour revenir à ces questions-là, moi, je pense que si ces interviews permettent de mettre en évidence l'ignorance de quelqu'un qui prétend connaître, ce sont des bonnes interviews. Le problème, c'est que souvent il y a, et ça, la ligne est très ténue entre un questionnement socratique et un questionnement antilogique ou héristique dont on a parlé cette semaine, c'est-à-dire quelqu'un qui est intéressé non pas par monter une véritable contradiction, mais simplement par enchaîner, disons, des questions et des réponses pour montrer que la personne se trompe ou et là évidemment ça c'est fallacieux et c'est le pire de tout. Je veux dire c'est ce que Socrate décrit comme la misologie. En fait, c'est quelqu'un qui prétend avoir un amour des discours, parler vrai, mais qui passe son temps à chercher une faille formelle. Mais ça, c'est pas du tout l'esprit de Socrate. L'esprit de Socrate n'est pas pris par le temps, et d'ailleurs la philosophie se définit comme avoir beaucoup de temps, donc justement le format des interviews politiques courtes où il faut être agressif, je pense pas du tout que ce soit ça que Socrate pense, voilà, ou que Socrate pourrait nous être utile. Par contre, des véritables contradictions et un véritable travail sur les opinions qu'on a parfois en nous qui sont cachées, ça je pense qu'une bonne interview peut le faire émerger en prenant exemple sur Socrate. Merci beaucoup Nicolas Zax. There ain't nothing but a thief and robber in the land, in the land. There ain't nothing but a thief and robber in the land, in the land. Come to your house and it won't stay long. Look around, somebody gone. There ain't nothing but a thief and robber in the land, in the land. Death will take your only mother out of the land, out of the land. Death will take your only mother out of the land, out of the land. Come to your house, he won't stay long. Look around, somebody gone. Death ain't nothing but a thief and robber in the land, in the land. Death will take your only father out of the land, out of the land. Death will take your only father out of the land, out of the land. Come to your house, it won't stay long. Look around, somebody gone. Death ain't nothing but a thief and robber in the land, in the land. Oh, death will take a infant baby out of the land, out of the land. Death will take an infant baby out of the land, out of the land. Come to your house and it won't stay long. Look around, somebody gone. Death ain't nothing but a thief and robber in the land, Lord, in the land.